La science CQFD, Antoine Beauchamp. L'humanité n'a jamais produit, consommé et stocké autant de données numériques et les projections ne sont pas à la baisse. Mais il y a un gros problème, ces données ne sont pas neutres d'un point de vue énergétique. D'ici 2025, le secteur du numérique pourrait peser autant que le secteur des transports en matière de demande énergétique. Avec le développement croissant de systèmes d'intelligence artificielle, mais aussi d'objets connectés ou de réseaux de téléphonie mobile plus performants, nous vivons un Big Bang de la donnée qui pourrait bien contribuer de façon centrale à un aggravement du réchauffement climatique. Au cœur de cette surconsommation se trouvent les data centers qui permettent un accès constant à ces données. On part en quête de solutions scientifiques pour réduire l'empreinte de nos données numériques. Data center. L'énergie, c'est pas donné. Bonjour Vincent Courbolet. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en informatique à l'Université de La Rochelle et cofondateur de l'Institut du numérique responsable. Vous êtes par ailleurs l'auteur chez Actes Sud de l'archipel des GAFAM manifeste pour un numérique responsable et toujours chez Actes Sud du livre Vers un numérique responsable, repensons notre dépendance aux technologies digitales. Nous sommes également en duplex depuis les studios de France Bleu à Montpellier avec Abdoulaye Gamatier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au département microélectronique du laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier. Bienvenue à tous les deux et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez, comme chaque jour, retrouver tous les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la science CQFD. Et je ne vous dirai pas aujourd'hui de nous suivre sur notre compte Twitter ou X @sciencecqfd parce que toutes ces données assidûment collectées par l'équipe et partagées dans des fils Twitter longs comme le bras par Noémie Naguette Saint-Villefranc pollue et on va vous expliquer pourquoi. Alors pour débuter cette émission, on va partir de constats chiffrés. La quantité de données numériques créées ou répliquées dans le monde ne cesse de croître. Entre 2010 et 2020, elle est passée de 2 zeta-octets, soit 2000 milliards de gigaoctets, à 64 zeta-octets. Cette croissance ne va pas s'en tenir là. Les prévisions annoncent 181 zeta-octets en 2025 seulement et l'empreinte carbone du numérique devrait connaître une augmentation de 45% sur la décennie 2020-2030. Vincent Courboulet, quelle est, du coup, la part du numérique dans la consommation énergétique mondiale et comment est-ce qu'on fait pour chiffrer ça parce que c'est éminemment complexe ? Et merci beaucoup de l'invitation. Alors effectivement, ce sujet, il est fondamental à creuser. Il est surtout fondamental à mesurer pour savoir finalement un peu quels sont les vrais enjeux. Donc au niveau énergétique, les dernières études ont tendance à montrer que la consommation énergétique du numérique avec un grand N majuscule est aux alentours d'à peu près 8 à 10% de la consommation d'électricité qui passe dans le numérique. Donc on est véritablement sur une partie qui est... Et l'électricité n'est qu'une entre guillemets, petite partie de l'énergie mondiale, il y a le pétrole, le charbon, etc. etc. Donc on est quand même sur un problème qui est là, et qui est là pour longtemps, même si c'est de l'énergie renouvelable, il est là pour longtemps. Donc quand on dit 8 à 10% de l'électricité mondiale est utilisée par le numérique, le numérique avec un N majuscule, qu'est-ce qu'il comprend ? Il comprend tous les équipements terminaux qu'on utilise, hein, que ce soit les télés, les consoles de jeux, les smartphones, les ordi, etc. etc. Il comprend tous les réseaux de communication, 3G, 4G, 5G, bientôt la 6G, les fibres optiques, etc. Et puis, effectivement, il comprend l'ensemble des data centers qui sont les carrefours de ces voies de communication, qui sont les péages, qui sont c'est vraiment ces endroits qui récupèrent, transforment et stockent. Et on estime à peu près, et là encore le fameux « ça dépend, s'impose », on estime à peu près à 20-25% la part énergétique liée au data center et de la façon, enfin, qui est assez stable depuis une dizaine d'années, malgré l'augmentation des data centers, l'augmentation de leur puissance de calcul, leur puissance de traitement, la part de l'énergie est quand même assez stable. C'est un petit peu comme l'aviation civile. Les avions transportent de plus en plus de gens, de plus en plus loin, mais avec des moteurs qui sont de plus en plus économes. Ben, les data centers, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il pose problème, Abdoulaye Gamatier, dans ce constat-là que vient de faire Vincent Courboulet, c'est que certes les data centers sont plus performants, mais notre consommation augmente en parallèle. Ça ne résout pas le problème de cette surconsommation de données numériques. Tout à fait. Je pense qu'il y a une forte utilisation d'objets connectés et aussi beaucoup de services, de nouveaux services qui sont émergents avec des data centers efficaces. Alors tout ça tend à amener vers une espèce d'effet rebond qui fait que là où on espère réduire la consommation d'énergie, en fait, on l'augmente par l'émergence de nouveaux services qui induisent des trafics très élevés entre, d'une part, les data centers et les objets connectés à travers les réseaux. C'est un peu, si on devait prendre une image très prosaïque, comme si on faisait une économie de 50 euros et qu'on se disait, chic, je vais pouvoir en dépenser 150, Vincent Courboulet. Tout ça va nous obliger finalement à rappeler que la circulation des données numériques, leur stockage, n'a rien du tout d'immatériel et n'a pas du tout zéro impact sur notre planète. On va le voir. J'aimerais peut-être qu'on rappelle la vie d'un objet numérique aussi simple qu'une photo que j'ai dans mon téléphone, par exemple, et que je stocke sur un service de cloud parce que ça me permet d'avoir de la place sur mon téléphone de façon quasiment infinie. On va le voir, c'est peut-être une illusion. Si je prends l'exemple de cette photo, quelle est sa vie et comment ça se fait que je puisse la consulter partout et en tout lieu? Alors la vie, elle commence avec des photos qui sont de meilleure qualité, de plus en plus lourde, alors lourde en termes de poids, en termes d'espace mémoire. Donc les appareils photos, c'est un argument de vente, sont de plus en plus perfectionnés. On a 2, 3, 4, 5 objectifs et les photos sont de plus en plus lourdes. Donc une fois que vous avez pris cette photo et que vous décidez alors soit de la stocker, soit de la partager, effectivement, très souvent, si vous êtes chez vous ou reconnecté en 4G, ben vous avez déjà un premier transfert qui part sur les réseaux et qui utilise le Wi-Fi, la fibre optique ou la 4G. Une fois que vous êtes cette photo est finalement vous a échappé et sur les réseaux, ben elle fait son petit bonhomme de chemin. Alors il y a quelques temps, on estimait à plusieurs 10 ou 15 000 kilomètres le trajet moyen d'une donnée. Et là, c'est en fonction de ce que vous voulez en faire. Mais très souvent, elle va aller effectivement se stocker dans un data center qui correspond à votre service auquel vous avez souscrit. Et puis, parce que c'est toujours dangereux de stocker à un seul endroit, elle va être dupliquée. Elle va être dupliquée pour être sûr que si jamais il y a un data center qui brûle ou un disque dur qui tombe en panne, ben vous ne la perdiez pas parce que la perte numérique, l'amnésie numérique est juste un concept qui est absolument à bannir. Et donc elle va être dupliquée à plein d'endroits différents pour vous garantir le fait qu'elle existe toujours et qu'elle vous survive. Et puis après, si vous souhaitez la partager, ben là, à ce moment-là, elle repart dans une espèce d'une autre vie, d'un autre service, et puis elle est copiée 10, 100, 500, 1000 fois en fonction des gens qui vous suivent sur les réseaux. Et donc, elles sont dupliquées dans autant de services, et puis elles sont relayées, elles sont transmises, elles sont appropriées, elles sont modifiées. Et donc, vous voyez qu'en fait, à partir d'une seule et même graine que vous avez plantée, qui est la photo que vous avez prise, ben elle germe et elle donne une espèce d'épi de blé avec autant de photos et de variations différentes. Ça, c'est très intéressant, cette notion de redondance et le fait qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où on refuse absolument la perte de ce genre de données, aussi anecdotiques soient-elles. Abdoulaye Gamatier, cette photo, est-ce qu'on peut, du coup, à partir du moment où je l'ai prise et stockée sur le cloud, est-ce qu'on peut avoir une estimation du poids énergétique qu'elle va avoir et de l'impact énergétique qu'elle va avoir? Est-ce que c'est simple à déterminer ou pas tant que ça? Alors, je pense que c'est pas très simple à déterminer parce que ça dépendra de l'efficacité énergétique du data center sur lequel cette photo est stockée. Il faut donc raisonner cas par cas. Si je reprends un peu l'exemple que Vincent vient de développer, là, si je passe sur une vidéo, par exemple, sur Netflix, on va dire que c'est une donnée qui va peser quelques gigaoctets. Quand on la regarde dans son stockage, elle a un certain impact énergétique. Ce qui va se passer, le fait que différents utilisateurs la visionnent à travers des objets connectés, va induire un certain nombre de trafic qui va à la fin générer une grosse consommation énergétique. Donc finalement, le partage et le trafic que cela génère sur le réseau est une part assez impressionnante dans ce que peut peser cette donnée qu'on stocke finalement. C'est-à-dire que si cette photo était consultée par des milliards de personnes, elle aurait un impact aussi lourd qu'une vidéo Netflix qui est consultée par des millions de personnes. Voilà, c'est aussi un rapport de proportion. Vincent Courboulet, on parle beaucoup depuis ce début d'émission de data center, de centre de données, ces endroits où on stocke ces données. Concrètement, ça fonctionne comment? J'imagine qu'il y a plein de types de data centers, plein de types de façons de stocker des données. Si on devait donner une trame un peu générale ou encore établir une sorte de typologie de ces data centers, ça ressemblerait à quoi? Alors les data centers, je vais partir des gros data centers, hein, mais un gros data center, ça peut avoir la surface d'un terrain de foot. Voilà. C'est un hangar très souvent, un bâtiment ultra sécurisé. Il y a plus de personnes qui sont censées surveiller la sécurité du bâtiment que réellement ceux qui le font fonctionner. C'est un endroit dans lequel vous retrouvez différents types d'éléments et vous allez retrouver le centre névralgique. Ce sont des serveurs et des disques durs, c'est-à-dire des machines qui font des calculs et des machines qui stockent. Et ça, c'est véritablement ce qui est utile pour un data center. Et puis, à côté, vous avez tous les équipements qui permettent finalement de garantir le fonctionnement de ces deux éléments-là, serveur et disque dur. Et on retrouve des éléments de communication, ceux qui font rentrer l'info, ceux qui la font sortir. On retrouve évidemment ce dont tout le monde attend, dont on parle, c'est-à-dire le froid, la fameuse climatisation qui assure une température de fonctionnement à peu près stable aux alentours de 20-25 degrés, parce que l'informatique déteste les fortes chaleurs, déteste les variations de température, et ça nous permettra peut-être tout à l'heure d'aborder la partie immersion, mais déteste les variations de température. C'est un peu comme une bouteille de vin, n'aime pas les fortes chaleurs, n'aime pas les forts froids, donc voilà, de ventiler. Et puis après, il y a tout ce qui est sécurité, accès, badge, etc. Donc voilà, un centre névralgique, calcul et stockage, et du fonctionnement, ce qui permet du fonctionnement, à savoir de l'électricité, des groupes électrogènes, des onduleurs au cas où il y a des coupures d'électricité pour assurer vraiment là aussi une stabilité énergétique, et puis des groupes froids. Voilà à peu près comment ça marche. Vous mettez ça dans un bâtiment, vous mettez ça dans un bunker, vous mettez ça sous l'eau, etc. Mais c'est à peu près toujours la même chose. Ça fait, par exemple, Abdoulaye Gamatier, que un de ces gros data centers qui font la taille d'un terrain de foot, donc à peu près 10 000 m2, peuvent avoir une consommation d'électricité annuelle équivalente à une ville de 50 000 habitants, ce qui est quand même assez considérable. Comment est-ce qu'on explique cette surconsommation d'électricité et pourquoi, du coup, c'est absolument dans le collimateur d'une inquiétude écologique? Alors, je pense que cette consommation, elle est liée à plusieurs facteurs. Vincent a mentionné l'aspect climatisation-refroidissement, qui est un poste incontournable, hein, qui fait, je dirais, entre 40 et 50% de la consommation des data centers eux-mêmes. Il y a aussi la génération des équipements numériques qui sont utilisés, donc les serveurs qui font les calculs, quel niveau d'efficacité énergétique ils proposent. Il y a aussi la façon dont les algorithmes, les applications sont gérées au-dessus de cette infrastructure matérielle. Donc tout ça, ce sont des aspects qui entrent en compte dans l'enveloppe énergétique globale du data center. Vincent Courboulet, on évoquait tout à l'heure le fait que quand même les data centers et les technologies ont évolué au cours des dernières décennies pour être moins énergivores. À quels endroits, justement, on peut souligner des progrès qui aujourd'hui sont établis et qui permettent à un data center de taille conséquente d'être moins gourmand en énergie? Alors, j'aime bien citer ce chiffre-là qui montrera à tous les auditeurs à quel point les data centers aujourd'hui sont bien géré par des gens qui savent très très bien faire leur travail. Depuis 10 ans, la puissance de calcul et de stockage des data centers a subi une augmentation de 550%. C'est énormissime. Dans le même temps, la consommation énergétique des mêmes data centers a augmenté de 6%. Déjà, ce chiffre-là nous dit que déjà c'est bien géré. Déjà, ce sur le qu'elle n'est pas augmentée de 550%. Donc, il y a effectivement une espèce de stabilité. Alors, les postes sur lesquels on a gagné le plus, c'est effectivement l'efficacité énergétique des équipements numériques. Hein, ça, c'est quelque chose de fondamental. Et puis après, comme le disait Abdoulaye, il y a clairement l'efficacité énergétique du froid. Voilà, de la réfrigération, qui à une époque où l'énergie valait pas grand-chose, c'était pas un enjeu. Aujourd'hui, l'augmentation énergétique, l'augmentation même du coût des data centers fait que, j'ai envie de dire, on ferme la porte du frigo. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez des serveurs et des disques durs dans une pièce, vous refroidissiez la pièce. Aujourd'hui, il y a de plus en plus cette tendance-là de dire, on va mettre une espèce d'enveloppe autour des armoires dans lesquelles il y a des puissances de calcul, et on va ne refroidir que cet élément-là. Donc en fait, il y a refroidir moins, mais refroidir mieux, ça c'est effectivement quelque chose d'important, avoir moins d'électricité qui passe dans le numérique avec des produits de plus en plus performants, Et puis après, il y a des nouveautés sur quasiment le mode de réfrigération. C'est-à-dire qu'on est passé d'une climatisation classique, je ne vais pas dire celle de Monsieur Tout-le-Monde, mais pas loin, vers une climatisation basée sur des processus beaucoup moins gourmands, les pompes à chaleur, l'utilisation d'eau pour refroidir, voire éventuellement des technologies beaucoup plus innovantes comme l'immersion dont on parlera peut-être. Abdoulaye Gamatier, justement, sur ces progrès qui ont été réalisés dans le domaine de la réfrigération des data centers, est-ce que vous avez des éléments à apporter et peut-être nous décrire quelques-unes de ces techniques un peu plus en détail? Oui, alors il y a aussi une réflexion qui consiste à remettre en question le paradigme général, c'est-à-dire que les gros data centers qu'on évoque, c'est des espèces de grosses infrastructures qui concentrent le calcul, qui a un certain impact environnemental et énergétique. On peut penser à d'autres paradigmes qu'on appelle le edge computing, donc le calcul en périphérie. Dont on va parler dans un instant, oui. Voilà, où on va essayer de décentraliser le calcul. Ça permet d'avoir une espèce de réseau de petits data centers qui vont offrir une échelle dans laquelle l'efficacité énergétique va pouvoir être maîtrisée plus facilement et arriver globalement à avoir une optimisation de la consommation énergétique. On va parler bien sûr du edge computing un peu plus en détail dans un instant. D'accord. Vincent Courboulet, avant ça, j'aimerais juste vous interroger sur le développement. Alors, vous parliez tout à l'heure du fait que depuis des décennies, voilà, l'augmentation du recours aux data centers et de leur sollicitation est colossale. Vous parliez de ce chiffre de 550%. Voilà, c'est énorme. Et quand on voit arriver par exemple, des technologies de mobiles comme la 5G, la 6G, on se dit, mais on n'est pas sorti de l'auberge puisque, du coup, on va encore plus avoir recours à ces data centers, encore plus consommer, on va pouvoir avoir accès sur nos téléphones portables à des vidéos en haute définition. Quel sens ça a tout ça? Et est-ce que ça va avoir un impact du coup, évidemment, beaucoup plus lourd? Ah oui, la question que vous posez de quel est le sens de tout ça, il est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une autoroute lancée à pleine vitesse, sans savoir du tout où on va, hein, clairement. Donc l'analogie, elle est là. On a des outils de plus en plus performants, on a des outils de plus en plus économes, on a des services qui sont toujours de plus en plus exceptionnel. Je veux dire, le simple fait de pouvoir écouter le replay de cette émission quand on veut pour l'éternité, pour l'éternité, c'est génial dans l'utilisation, dans la consommation. Ça pose évidemment des questions sur l'accumulation. On commence à entendre parler du fait que des croissances infinies ne peuvent pas exister. Je veux dire, il y a plus que quelques personnes encore qui y croient. La croissance économique infinie ne peut pas exister. La croissance numérique non plus ne peut pas exister. Donc la notion d'oubli, la notion d'amnésie, la notion de est-ce que je dois tout garder, pose des questions sur la nécessité d'archiviste numérique. Enfin, la notion de sens, elle est vraiment fondamentale. Et finalement, les data centers ne sont que l'incarnation matérielle localisée, centralisée de toutes ces contradictions-là. Mmh. C'est à la fois le creuset de l'innovation, le génie technologique, la capacité d'avoir des bâtiments. Donc on est sur du génie civil, on est sur de l'informatique, on est sur de la géopolitique, du foncier, enfin on est sur tout ça à la fois. Et finalement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des data centers, c'est parce qu'en fait, ils incarnent déjà, on n'est pas responsable, donc c'est pas nous. Donc c'est toujours plus facile de taper sur les autres, hein, donc taper sur le méchant data center, mais en fait c'est l'incarnation même de toutes nos injonctions contradictoires, c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce sujet, parce qu'il est extrêmement complexe et à la croisée de tous ces enjeux que vous venez de décrire, des enjeux liés pour partie à la souveraineté, alors la souveraineté géopolitique avec le fait d'avoir ces données chez soi, bien au chaud, où personne ne peut les atteindre. Bien au chaud, c'est le mot. On parle aussi de... Oui, c'est le mot. Bien au frais, bien au tiède, on va dire. On parle aussi d'enjeux de souveraineté liés à l'intelligence artificielle, et on va se demander justement dans un instant comment cette IA peut être autre chose qu'un ogre énergétique. On va voir si c'est possible ou pas. France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp. Et on poursuit notre discussion donc sur les dépenses énergétiques liées à nos données numériques. Et pour poursuivre cette discussion, je vous l'annonce à l'instant, je vous propose d'écouter une archive tirée de la chaîne Euronews. C'était le 1er novembre 2023. On peut lire sur les pancartes de ces manifestants, c'est Saqueo. ça veut dire pillage en espagnol. Et ce qu'ils dénoncent, c'est le détournement de leurs ressources en eau par des sociétés privées. Le gouvernement local encourage le développement de nouvelles technologies dans la région, comme l'IA, la réalité virtuelle, la robotique. Google a par exemple un projet de data center qui devrait consommer 7 millions de litres d'eau par jour. C'est à peu près l'équivalent de la consommation quotidienne d'une ville de 55 000 habitants. C'est un peu plus que la ville de Dubrovnik par exemple. Clairement, l'IA a un impact sur l'environnement. Avec le développement de l'IA, on devrait avoir de plus en plus de data centers qui vont consommer de plus en plus d'eau. Cette utilisation de l'eau, elle fait débat, surtout quand il s'agit d'eau potable et notamment dans des endroits comme l'Espagne qui, avec le réchauffement climatique, ont de plus en plus souvent des sécheresses. Une conversation classique avec ChatGPT, ça consommerait environ 50 centilitres d'eau. C'est l'équivalent d'une petite bouteille plastique. Ça peut paraître peu, mais avec 1,5 milliard d'utilisateurs par mois, ça grimpe assez vite. C'est assez facile de croire que les outils d'IA, ils sont immatériels. On frotte la lampe de génie de ChatGPT et soudainement une réponse apparaît comme par magie. Mais ce serait oublier toute la chaîne de production qu'il y a derrière, qui commence par les mines où on extrait les métaux pour les puces électroniques et qui passe aussi par les serveurs qu'on fait tourner en continu pendant des semaines voire des mois pour entraîner les IA. Et grâce à une étude partagée par la startup Hugging Face, on a une meilleure idée aujourd'hui de la pollution carbone liée à l'intelligence artificielle. Ils ont calculé que pour l'entraînement de leur modèle Bloom, qui est un genre de concurrent de ChatGPT, ils ont dépensé 25 tonnes d'équivalent CO2. Et encore, c'est un modèle qui a été entraîné en France, donc sur de l'énergie majoritairement décarbonée, parce que nucléaire. Pour GPT-3, qui fait tourner ChatGPT, c'est 20 fois plus. L'équivalent de 300 allers-retours Paris-New York en avion. Voilà pour cette archive tirée d'Euronews datant de novembre 2023. Abdoulaye Gamatier, qu'est-ce que vous retenez de ce reportage-là qui nous met face à une réalité très concrète? Un data center, c'est comme un gros monstre de Miyazaki, ça boit beaucoup d'eau, ça a besoin de beaucoup d'eau et ça peut créer des tensions sociales. Tout à fait. C'est vrai que, en plus, dans le reportage, il y a un aspect qui a été évoqué sur lequel on n'a pas insisté. C'est l'impact sur des gaz à effet de serre, que ce soit l'étape de fabrication du numérique qui est utilisé pour faire fonctionner cette intelligence artificielle, et aussi l'impact que peut avoir la phase d'usage, donc d'entraînement et d'inférence qu'on peut faire sur cette IA. Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de réflexions dans le monde de la recherche hein, qui essayent de combattre cette tendance. Je peux noter les progrès récents qu'on observe dans ce qu'on appelle les accélérateurs d'algorithmes d'IA. C'est des espèces de processeurs qui ont un certain niveau de parallélisme de calcul qui permet d'exécuter efficacement des réseaux de neurones. Vous avez aussi des nouveaux paradigmes dits neuro-inspirés. Vous savez, le cerveau, on peut faire un parallèle, c'est une grosse intelligence. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'électricité, si j'ai bien compris. Exactement, ouais. Exactement. 10 watts, donc, hein, c'est ça pour tourner. Bon, c'est pas énorme. Tout à fait. Et donc, l'idée des collègues, c'est d'essayer de s'inspirer d'un cerveau et d'essayer de proposer des mécanismes dits neuro-inspirés, bio-inspirés, pour faire de l'IA en consommant très peu d'énergie. Voilà. Vincent Courboulet, sur cette archive-là et sur ce mur vers lequel on roule encore plus vite avec cet engouement bien sûr colossal pour les systèmes d'intelligence artificielle, mais aussi sur la difficulté à évaluer leur impact énergétique à long terme. Est-ce que ça, on est déjà en train de se doter d'outils pour surveiller ça de près? Ce reportage, il est vraiment très très bien parce qu'il met sur la table, alors de façon un petit peu peut-être mélangée, mais il met sur la table beaucoup de problématiques, c'est-à-dire l'acceptation sociale, la pression foncière, l'utilisation de l'eau, les ressources, la fabrication des matériaux, l'entraînement de l'intelligence artificielle, parce qu'on prend l'analogie du cerveau en disant que c'est quand même ça a besoin de très très peu d'énergie. Des fois, il faut quand même 10, 15, 20, 30, 40 ans d'entraînement pour arriver à un certain usage, donc faut pas oublier toute cette phase d'entraînement. L'IA, c'est pareil, il faut l'entraîner. Et puis, effectivement, il y a l'usage, et tout à l'heure, Abdoulaye parlait d'effet rebond. Le jour où les 5 milliards d'utilisateurs qu'on est aujourd'hui du numérique, et demain, peut-être 8 milliards seront tous connectés matin, midi et soir avec un assistant virtuel dans la poche, effectivement, cet effet rebond de l'usage va être, enfin, la consommation va être abyssale. Je pense qu'on n'a pas du tout idée de ce que ça va nous coûter. Il y a quelques minutes à peine avant l'émission, je lisais une étude du Gartner qui disait qu'en 2025, la consommation de l'IA pourrait être supérieure à la consommation de l'activité humaine. C'est hallucinant. Parce que aujourd'hui, l'IA n'est pas l'IA globale, une IA qui va tout faire, telle que globalement on peut la voir aujourd'hui avec GPT 3.5, va avoir une durée de vie assez courte. Il va y avoir des dizaines d'IA qui vont toutes être spécifiques dans une thématique particulière. Et ces dizaines, centaines d'IA adaptées au pays, adaptées aux gens, adaptées aux organisations, adaptées aux lieux, eh ben tout ça, ça va être effectivement d'autant plus d'IA, d'usage de données, de circulation de données et de stockage de données. C'est abyssal. Abdoulaye Gamatier, je retiens aussi quelque chose de cet archive, c'est le terme de magie, comme si on avait recours à ça par magie et qu'on oubliait que ça avait un impact très concret. Est-ce que là-dessus, vous avez des choses à nous dire, justement, sur le fait qu'il faut peut-être faire de la pédagogie du côté de comment tout ça fonctionne, en fait, tout simplement? C'est exactement ça, vous avez mis le doigt sur le bon mot, c'est la pédagogie, la sensibilisation. Alors, si je peux rebondir par rapport au cloud qui sont déployés sur les data centers, vous savez, souvent, ils sont dématérialisés. Donc, de façon cognitive, l'utilisateur n'a pas une perception de la limite des ressources de calcul qu'il utilise. Et donc ça, parfois, ça peut perturber, je pense, la perception que les utilisateurs ont et donc les pousser à consommer, surconsommer et du coup ne pas avoir une certaine forme de limite physique des ressources disponibles pour le calcul. Surconsommer, aussi surstocker, Vincent Courboulet, est-ce qu'on a une idée de données qui sont vraiment inutiles et dont on pourrait se débarrasser tranquillement et de données qui, au contraire, sont vraiment utiles au quotidien et auxquelles on a accès de façon utile? Alors, l'utilité, c'est une notion qui est dangereuse. Hein. On est proche de la valeur morale en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, je vais sortir de ce sujet-là, mais je vais vous parler du databerg. Le databerg, ça veut dire montagne. Hein. L'iceberg, c'est la montagne de glace, le databerg, la montagne de données, c'est un concept qui a été mis sur le devant de la scène par un cabinet d'expertise qui s'appelle Veritas, et qui a chiffré dans plein de pays différents, mais uniquement pour des organisations et pas pour du particulier. Les entreprises, voilà, les services publics, secteur public, voilà, qui, sur toute une série de pays, s'est posé la question de savoir sur quel pourcentage de données une organisation fondait son business. Eh bien, elle est arrivée au chiffre de 15%. C'est quoi les 75%, les 85% restants? Eh bien, on est à peu près à un tiers de données qu'on appelle les données ROT, redondantes, obsolètes ou triviales, qui ne servent à rien, qui sont stockées, vous savez, la V1, V2, V3, V4, voilà, qu'on stocke, voilà, parce qu'on sait jamais. On a tous déjà fait ça. Ah ben oui, non, puis oui. Moi le premier, il n'y a pas de critique, là. Mais un tiers de données qui sont inutiles, redondantes ou triviales. Et 50% de données qu'on appelle des dark data. Alors, je suis désolé pour tous ces anglicismes, mais bon, les anglicismes sont, comme les data centers ou autres. Les dark data, ce sont les données sombres, c'est-à-dire des données dont on n'a aucune idée de la valeur. C'est pas des données dangereuses ou voilà. C'est juste que c'est comme si vous stockiez des choses dans votre grenier, qu'à un moment donné, la lumière du grenier grille, ben, vous savez plus ce que vous avez. Ben, aujourd'hui, la donnée, c'est, dans une organisation, c'est moitié de données, on ne sait pas. Un tiers de données redondantes, obsolètes ou triviales, et 15% de données sur lesquelles on va baser notre business. Donc, la question de l'utilité, ben, elle est là aujourd'hui. C'est 15% des données qui sont vraiment utilisées par les organisations. Mmh. Abdoulaye Gamatier, là, on voit qu'il y a tout un effort à faire pour y voir clair dans cette montagne, dans ce databerg que nous décrivait à l'instant Vincent Courboulet. Peut-être que là, justement, il y a des secteurs, des domaines de recherche scientifique qui se développent pour accompagner notamment les entreprises dans le traitement et le triage de ces données. Tout à l'heure, pour revenir au data center, vous évoquiez l'edge computing, donc l'informatique en périphérie de réseau. En quoi cette informatique-là pourrait avoir un impact bénéfique sur une baisse de la consommation d'énergie dans les data centers? Dans le modèle du edge computing, au lieu d'avoir une infrastructure de calcul centralisée massive, on va imaginer plutôt plusieurs petites infrastructures de calcul distribuées et donc qui vont être proches de l'utilisateur, donc des capteurs qui vont générer des données. Et donc ces données vont pouvoir être traitées, possiblement stockées, au plus près de l'endroit où elles ont été produites. Donc quand on regarde ce schéma, ce qu'on peut observer, c'est que déjà le trafic plus global qui va vers une infrastructure centralisée est diminué. Donc déjà un premier gain au niveau énergétique, mais aussi en termes de fiabilité, de latence, de traitement et de sécurité aussi, c'est quelque chose de très bien parce que les données sont elles traversent pas toute la planète pour aller vers des data centers centralisés, mais elles sont plutôt stockées au plus près des capteurs. Vincent Courboulet, cette décentralisation des data centers, des centres de données, est-ce que c'est un objectif atteignable, souhaitable, ou bien est-ce qu'il y a encore pas mal de choses à revoir et à perfectionner? Alors, il y a beaucoup d'avantages, hein. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Abdoulaye. Il y a quelques dangers, par exemple, le fait de se dire que est-ce qu'il vaut mieux avoir un seul gros data center bien géré plutôt qu'une multitude de petits en termes de somme d'impact, hein. Globalement, si on prend un impact globalisé, c'est à voir, c'est à faire attention. Est-ce que la capacité de gestion de toutes ces petites entités va pouvoir être assurée? Est-ce que le foncier sur le edge, quand il est à trop d'endroits, c'est autant de terres agricoles, c'est autant de biodiversité qu'on fait petit à petit disparaître. Donc oui, effectivement, le edge a beaucoup d'avantages. Il a aussi quelques inconvénients qu'il faut pas négliger parce que aujourd'hui, on ne peut pas installer du edge partout. Je prends un exemple très simple. Il y a tellement de data centers qui se sont installés en Irlande qu'aujourd'hui, entre 2015 et 2023, la consommation des data centers en Irlande est passée de 5 à 18% de l'électricité consommée en Irlande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les data centers irlandais consomment autant que les citoyens irlandais. Tous les projets d'installation des data centers aujourd'hui en Irlande sont gelés. Mmh. Et donc, voilà, la pression du foncier, est-ce qu'on peut installer des edge partout alors qu'il n'y a pas l'infrastructure électrique qui va bien? Tout ça, c'est des questions à poser sur la table. Et je ne remets pas du tout en cause ce que vient de dire Abdoulaye. Je dis juste qu'effectivement, il y a une vision qui est macro à avoir en même temps qu'une vision foncière, énergétique ou autre. Restez avec nous parce que justement, on va poursuivre dans un instant cette discussion et on va partir en quête des solutions concrètes pour enrayer la surconsommation énergétique liée à nos données numériques. Ce sera juste après ça. Dream Driven by Data par Public Body, c'est la sélection musicale d'Olivier Bétard pour la science CQFD sur France Culture. On parle aujourd'hui de data et de la consommation énergétique liée à la circulation et au stockage de nos données numériques avec Vincent Courboulet, enseignant-chercheur en informatique à l'Université de La Rochelle et cofondateur de l'Institut du numérique responsable, avec également Abdoulaye Gamatier, directeur de recherche CNRS au département microélectronique du laboratoire d'informatique de robotique et de microélectronique de Montpellier. On en arrive à présent au reportage du jour. Pour réduire l'empreinte carbone liée au numérique, il faut réduire, on l'aura compris, la consommation énergétique. Et une des stratégies pour y parvenir est celle du free cooling. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Antoine. Vous êtes allé visiter un des data centers de l'opérateur Céleste, implanté en Seine-et-Marne. Et oui, ce data center du nom de Marilyn repose sur un modèle éco-responsable unique construit verticalement sur 5 étages avec 2 tours de 300 mètres carrés. Le site fonctionne en mode free cooling, c'est-à-dire en exploitant l'air extérieur pour refroidir les machines. Nicolas Aubé, son président et fondateur, a pensé une architecture efficace sans besoin d'eau et où la chaleur dégagée peut être réinvestie pour chauffer les bureaux. Un modèle qui assure une économie de 6 gigawattheures par rapport à un data center classique. Le data center, donc on voit que ce sont deux grandes tours de 5 étages qui sont sans fenêtres, sans portes, vraiment des blocs compacts. Après, on va voir le modèle de circulation de l'air dans ce bâtiment qui est fait pour optimiser la consommation d'énergie. Le free cooling ? Oui, c'est ça, c'est le free cooling. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'air froid comme aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, vous savez, il fait moins de moins très froid. Et aujourd'hui, ce serait quand même bête de climatiser. Et pourtant, si vous allez voir n'importe quel autre data center à Paris ou en France, eh ben, il va climatiser, il va utiliser des climatiseurs. Nous, non. Nous, on n'utilise pas les climatiseurs parce qu'on va utiliser le froid de l'extérieur. Puiser l'air extérieur pour rafraîchir l'ensemble des, enfin, la colonne des étages, en fait. Exactement. Donc, on va regarder ce système et on va utiliser l'air froid extérieur qu'on va mélanger à de l'air chaud à l'intérieur parce qu'il va être trop froid sinon. Et donc, on va injecter cet air à température ambiante qui va permettre de refroidir les ordinateurs. Et justement, pour bien faire circuler cet air-là, les étages sont faits de sortes de caillebottes pour permettre justement la circulation et l'échappement de la chaleur vers le haut. Oui, pour permettre que l'air s'échappe bien en fait dans la tour, on a séparé les étages non pas par un sol normal, mais par des caillebotis, donc des grilles, qui permet en fait un seul flux d'air dans toute la tour. Et donc on a en fait, on va optimiser la circulation de l'air pour soit la faire évacuer en toiture quand on n'a pas besoin de récupérer l'air, soit les flux d'air vont s'inverser quand il fait très froid l'hiver pour chauffer nos bureaux. Donc on va chauffer les bureaux où on se trouve aujourd'hui là maintenant avec l'air chaud produit par les ordinateurs de nos clients. Alors Marilyn, c'est un clin d'œil au film, le fameux film 7 ans de réflexion. Cette scène, parce que très inspirante finalement. Il y a des l'air qui passe à travers les grilles. On voit la robe de Marilyn qui s'envole et donc ce concept d'air qui traverse des grilles, c'est ce qu'on a repris dans notre data center et donc on l'a appelé comme ça. Au départ, c'était un nom de code et puis finalement on a gardé ce nom. Donc ici on voit les deux grandes tours. On a aussi des locaux séparés qui sont des locaux électriques qui vont gérer l'alimentation sans interruption. On va les visiter aussi. Et puis là on voit en fait une centrale de traitement d'air qui reprend l'air chaud dans le data center pour chauffer nos bureaux. Souvent il y a une grandeur, un indicateur qu'on appelle le PUE, oui, qui le permet PUE. De caractériser l'efficience. C'est le rendement du data center. C'est le rendement en fait entre c'est power usage effectiveness, c'est le rendement entre l'énergie totale et l'énergie utile. Alors la valeur idéale c'est 1. Alors, s'il n'y a pas de déperdition, voilà, c'est ça. 1, c'est la valeur idéale. Et puis, donc, un rendement inversé, si vous voulez. Donc, c'est généralement, les data centers sont entre 1 et 2. Voilà, nous, on a un PUE de 1,3, ce qui est une bonne valeur. Là, donc, j'ai un détecteur de biométrie qui me permet d'ouvrir la porte en bas des salles informatiques. Voilà. On va monter au dernier étage. Une belle vue sur le site. Donc ici on se trouve en haut des tours du data center Marilyn. Donc on voit en fait, si on regarde en bas, on voit tout un espace industriel avec les groupes électrogènes qui vont prendre le relais en cas de panne prolongée de courant électrique. Et puis on a différentes centrales de traitement d'air qui en fait ont un double rôle. C'est le rôle de souffler l'air donc dans un plénum au sous-sol qui va remonter après dans les tours, et puis qui a aussi le rôle de climatiser quand il fait très chaud. Donc on va utiliser les climatiseurs que quand il fait très chaud, et là vous voyez ils sont à l'arrêt, le site tourne à 100%, pourtant les climatiseurs ne fonctionnent pas parce qu'on va utiliser que l'air froid comme il fait très froid aujourd'hui, mais même 80% de l'année on n'utilise pas les climatiseurs. Ça fait un drôle d'effet parce qu'on marche sur des grilles. Oui, voilà, donc on marche sur des caillebotis, donc on est à 5 étages tout en haut, donc on voit en fait tous les étages en dessous, ouais, c'est ça. Et on est au dernier étage, donc on est au dernier étage. Et donc, alors, pour décrire le site, donc, on voit en fait des grandes armoires qu'on appelle des baies informatiques. C'est des armoires dans lesquelles on va ranger les ordinateurs. Les ordinateurs, ils ne sont pas comme à la maison, ils sont en lave, c'est-à-dire qu'ils sont glissés horizontalement dans ces armoires. Ce qui fait qu'on peut en mettre beaucoup, on peut en mettre une quarantaine par armoire. Donc, chaque ordinateur, en fait, va prendre l'air d'un côté et va souffler de l'autre côté. Donc là on se trouve du côté à l'air chaud, c'est-à-dire du côté où les ordinateurs soufflent l'air chaud. Là on voit des volets automatiques qui sont fermés aujourd'hui. Comme des persiennes en fait. C'est ça, comme des persiennes. Comme un peu des ruches. Les ruches, c'est le même système, on va avoir l'air froid qui va rentrer en bas de la ruche et on a des ouvertures en haut de la ruche. Ou comme en Afrique, souvent il y a des bâtiments qui sont refroidis comme ça, avec on met de l'eau en bas et on prend de l'air froid, l'air en bas, et en fait il y a des ouvertures tout en haut, et donc c'est le flux d'air en fait qui va refroidir les tours. Excusez-moi, j'ai pas bien compris comment l'air chaud est capturé ici pour être réacheminé vers les bureaux. Alors ici en fait il va être réaspiré au sous-sol. Au sous-sol en fait on a découpé le sous-sol en deux plénums, un plénum froid, un plénum chaud. Et donc quand on est en hiver comme aujourd'hui, on va réaspirer dans le plénum, dans le sous-sol chaud, on va réaspirer l'air chaud et il va être après utilisé pour chauffer les bureaux. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment on a les volets en toiture qui sont fermés, parce que l'air va être recirculé jusqu'à nos bureaux. Mais alors, quand on va venir dans une saison tempérée, on va inverser le flux d'air et l'air va monter et va être expulsé en toiture parce qu'on ne va pas utiliser l'air chaud pour chauffer les bureaux. Donc le modèle des data centers Marilyn est unique au monde, et c'est le bâtiment lui-même qui est un objet technique. Et donc la forme du bâtiment qu'on a breveté, c'est un brevet mondial, permet de réduire notre empreinte, finalement notre empreinte énergétique, et même l'empreinte de nos clients, puisque les clients qui utilisent nos services vont consommer moins d'énergie, donc émettre moins de CO2 que dans d'autres data centers. Merci beaucoup Céline Lozen pour ce reportage. Vincent Courboulet, finalement c'est une affaire de BTP, l'économie d'énergie à venir dans le stockage des données numériques. Alors, je pourrais répondre oui, parce que ce qui a pêché très souvent au niveau des data centers, c'est le fait qu'on faisait un bâtiment et puis après on y mettait des serveurs. Le jour où on s'est rendu compte que ce serait peut-être bien de faire discuter les ingénieurs des BTP avec les ingénieurs tech, on a pu créer toute une série de solutions qui ont permis d'améliorer effectivement le rendement, le fameux PUE de ces bâtiments pour faire des économies. Après, derrière, il faut pas oublier la question, c'est que refroidir des équipements numériques, c'est bien, mais la question c'est qu'est-ce qu'on refroidit, qu'est-ce qu'on stocke, qu'est-ce qu'on transfère aussi, parce que on peut faire les meilleurs bâtiments du monde, si c'est pour stocker du bruit ou si c'est pour stocker juste des 0 et des 1 ou des informations qui sont inutiles. Alors attention, mais en tout cas inutilisées. Voilà, inutilisées, ouais. Ça questionne. Quoi, donc. Abdoulaye Gamatier, j'évoquais avant la pause musicale le fait qu'on allait dans cette deuxième partie parler des projets de recherche qui se développent pour justement faire des économies d'énergie en matière de stockage de données numériques. Alors si on devait retenir trois mots qui serviraient de fil rouge à une réduction de notre consommation énergétique liée aux données numériques, on pourrait prendre la sobriété. Alors la sobriété, en gros, ça consiste à améliorer la durée de vie des serveurs, réduire la fréquence et la distance des données. Un autre mot, ce serait l'efficacité, améliorer les performances des serveurs en utilisant des technologies plus avancées et moins gourmandes en énergie. Et un troisième mot, ce serait la compensation, donc utiliser des énergies renouvelables pour faire tourner les serveurs, plus récupérer la chaleur, comme on l'entendait dans le reportage. Vous participez activement à un projet qui s'appelle Genesis, de ces trois mots vous le situeriez, et comment vous pourriez nous présenter ce projet-là, quel est son but et quels sont ses enjeux? Alors, merci pour cette question. Genesis, c'est un concept qui a vocation à toucher les trois aspects que vous avez mentionnés. C'est parfait. C'est une espèce de concept qui, pour nous, d'un point de vue recherche, nous permet de questionner tous les aspects liés à ces différentes préoccupations et voir comment est-ce qu'on peut apporter des réponses acceptables. Donc, le concept de Genesis... On est reparti sur une vision edge computing, donc une décentralisation, où un mini data center est vu comme un réseau composé d'un certain nombre de modules ou de nœuds de calcul. Alors, ces nœuds de calcul sont un peu spéciaux. C'est des espèces de boîtiers dans lesquels on retrouve un serveur de calcul, de la mémoire de stockage. On va venir mettre au-dessus de ce nœud de calcul un panneau solaire. Et à l'intérieur, on met aussi des unités de stockage d'énergie, donc des batteries. L'idée, in fine, c'est de permettre de faire du calcul ou du stockage en n'utilisant que de l'énergie solaire collectée et stockable pour pouvoir pallier à des situations où on n'a pas accès à cette énergie. Et donc, grâce à ça, en fait, on arrive... à se passer de l'énergie fossile dans plein de cas. Alors, les expés qu'on a faites, c'est principalement à Montpellier, et c'est comme c'est une région où on a assez de soleil, tout à fait, on arrive à avoir des rendements assez intéressants. Par exemple, une réduction de l'énergie fossile qui peut varier entre 22 et 27% dans un petit prototype, ce qui est prometteur. Alors, de plus, ce qu'on pousse, c'est que le type de serveur qu'on met dans un nœud de calcul, c'est des serveurs de seconde génération. Vous voyez, on n'essaie pas de courir derrière la performance à mettre des serveurs de dernière génération. L'idée, c'est de prolonger la durée de vie de ces serveurs-là et donc, d'une certaine façon, contribuer à la phase de fin de vie du matériel de calcul. Et d'autre part, il y a le fait que le système soit sur des toits avec des utilisateurs, on va dire, en dessous de ces toits, on est finalement dans un schéma où les ressources de calcul sont très proches de l'utilisateur. Elles ont une réalité physique que l'utilisateur peut percevoir et ça peut aussi l'éduquer à se dire qu'il doit évoluer dans un monde fini et pas un monde infini de calcul. Vincent Courboulet, voilà pour le projet Genesis. C'est pas le seul projet qui existe actuellement pour justement limiter la consommation énergétique des data centers. Est-ce que vous avez d'autres, parangons, d'autres modèles comme ça qui vous viennent en tête, qui vous semblent particulièrement pertinents et intéressants à présenter également pour réduire drastiquement cette consommation énergétique? Moi, il y a une expérimentation ou en tout cas une piste de recherche que je trouve intéressante et qui est complémentaire de celle qui vient d'être indiquée. C'est finalement, changer le monde dans lequel le data center évolue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le monde dans lequel il évolue, c'est un monde aérien dans lequel on fait circuler du froid pour emporter les calories. Moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'envisager de changer le data center et de l'immerger dans un monde aquatique. Alors attention, c'est pas de l'eau, hein, mais c'est dans un monde liquide dans lequel finalement la stabilité est beaucoup plus grande. On a tous en tête des bouteilles de vin qu'on a retrouvées au fin fond de galions coulées au fin fond de l'eau, mais parce que la stabilité thermique était tellement grande que finalement le vin a réussi à se conserver. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont en train d'émerger à droite à gauche, enfin émerger. Non, justement, qui sont en train de démerger à droite s'immerger à gauche, s'immerger plutôt, en disant finalement on va changer ce modèle-là et on va immerger le matériel dans un milieu aquatique, en tous les cas un bain d'huile ou enfin c'est pas aussi simple que ça, mais pour assurer une stabilité thermique, pour enlever les poussières, pour enlever les chocs de température, pour rallonger la durée de vie. Donc là on est plutôt effectivement dans le chapitre que vous appeliez sobriété, hein, rallonger la durée de vie, mais aussi on est aussi dans l'efficacité puisque la dépense énergétique est beaucoup plus faible. Le PUE qui était comme on l'a indiqué tout à l'heure une espèce d'indicateur énergétique d'efficacité, d'efficience énergétique, passe de 1,3 à 1,4 avec dans un environnement aérien, on est tout à fait capable d'avoir un PUE de 1,1 voire en dessous dans un milieu numérique. Et puis je crois qu'il y a aussi quelque chose de fondamental à se poser, hein, qui est peut-être même un préalable à tout ça, c'est avant de savoir comment est-ce qu'on doit diminuer l'impact énergétique, environnemental, géopolitique ou autre, je crois qu'à un moment donné, les opérateurs devraient aussi nous laisser la possibilité de pouvoir nettoyer, gérer nos données. On a tous connaissance d'une personne qui dit « mais moi je voudrais bien supprimer mes données, mais j'y arrive pas ». C'est le cas de notre réalisateur Olivier Bétard qui nous a confessé tout à l'heure qu'il avait une adresse mail dont il avait perdu les codes. Et alors voilà, là pour le coup, on a une poubelle qui grossit, il ne peut pas y accéder. C'est ça. Donc il y a aussi redonner le pouvoir aux citoyens de finalement se dire bah oui, ok, j'ai conscience, j'ai écouté une émission sur France Culture qui m'indique qu'il y a de l'impact, je veux supprimer des choses. Mais purée, c'est compliqué, j'ai pas les codes, c'est trop long, etc. Donc il y a aussi ça à creuser, c'est une espèce d'hygiène numérique à remettre en place au niveau des opérateurs. Abdoulaye Gamatier, ce que vient de souligner Vincent Courboulet, est crucial, c'est que là on a parlé beaucoup de solutions techniques, il y a aussi une dimension sociale, humaine à prendre en compte. Est-ce que vous-même, vous travaillez avec des chercheurs, des chercheuses en sciences sociales, en sociologie, en philosophie qui pourrait justement vous aider à développer de la façon la plus optimale ce genre de projet? Et est-ce que c'est quelque chose, en tout cas, qui est à l'étude pour vous, pour justement mettre en place des systèmes aussi performants que possible et dans la durée? Alors, c'est tout à fait ça. Tout à l'heure, quand je disais que la dimension sobriété est très importante dans le concept de Genesis. Donc mon collègue Gilles Sassatelli, qui est à la base de cette idée de Genesis, et moi, nous collaborons avec des architectes urbanistes d'un laboratoire nantais. Il s'agit de Daniel Siré et Thomas Leduc, avec lesquels on essaye d'imaginer des scénarios typiques de déploiement d'un système comme Genesis dans des environnements urbains. Et donc forcément, cela soulève diverses questions du point de vue de l'acceptabilité de tels systèmes dans un milieu urbain par rapport à la réglementation locale, par rapport à ce que ça peut apporter d'un point de vue économique pour les résidents urbains, et aussi les impacts que cela peut avoir en termes de gouvernance de données. Donc ça, c'est un aspect qui est très important pour nous, qu'on a commencé à explorer, sur lequel on espère avoir quelques premiers résultats dans les deux années qui viennent. Vincent Courboulet, du coup, c'est pas que du BTP quand même, c'est aussi beaucoup de politique derrière tout ça. Ouais, pour reprendre ce que disait Abdoulaye, effectivement, les sciences humaines et sociales sont fondamentales, et puis c'est qu'un juste retour des choses, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que les géants du numérique ont été les premiers à l'utiliser justement pour nous inciter à utiliser leurs services. Hein. Ils ont utilisé toute une série de sciences cognitives, s'appuyer sur des sciences cognitives pour utiliser les services les plus addictifs possible. Donc ce serait un juste retour des choses que d'utiliser aussi les sciences cognitives et les sciences humaines et sociales pour essayer justement de s'en dédouaner. Et oui, effectivement, ce n'est pas que du BTP, c'est aussi la loi, c'est aussi une prise en compte légale. Et on peut citer quand même une loi française qui s'appelle la loi de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, la loi REN, qui est la première loi au niveau mondial à légiférer sur l'empreinte du numérique. Et un des volets les plus importants de cette loi, c'est justement de faire des data center sobre, on y croit et on espère que ça viendra. Merci beaucoup Abdoulaye Gamatier et Vincent Courboulet de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci beaucoup aux équipes de France Bleu à Montpellier pour le duplex. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo et sa chronique Avec Science. Aujourd'hui, Alexandra, vous nous parlez dessins d'enfants et écrans de télévision. Quelle est l'influence de la télévision sur la capacité des enfants à dessiner? Et si vous pensez déjà connaître la réponse à cette question, c'est que vous êtes tombé sur cet infox et peut-être dans son piège. Parce que depuis quelques années, sur les réseaux sociaux, circule cette image. On y voit deux séries de dessins d'enfants. En haut, des personnages longilignes, pas tout à fait réalistes, et c'est normal, mais on décèle des détails. Une jupe, des chaussures, un pantalon, une chevelure, des doigts, des croquis attribués à des bambins dont le temps d'exposition à la télévision est inférieur à 60 minutes et en en dessous, pour ceux qui la regardent plus de 3 heures par jour, des gros monsieur patates. Des traits épais et très simplistes des bonhommes potelés, avec seulement une esquisse de membres. La conclusion paraît claire, la télévision est sans équivoque un danger pour les enfants, mais il y a un loup. Il faut savoir que l'image est vraie, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'une figure tirée d'une étude allemande de 2006, mais elle a été instrumentalisée. Jonathan Bernard est chercheur au CRES, le centre de recherche en épidémiologie et statistique de l'INSERM et de l'université Paris-Cité. Winterstein et Jungwirth, deux pédiatres allemands, pas spécialement chercheurs ou experts en méthodologie, mais ils avaient eu l'idée en tout cas d'étudier la capacité graphique des enfants à réaliser un test du bonhomme chez 1900 enfants de 5-6 ans, et donc d'étudier le niveau de complexité des dessins en fonction de différents paramètres. Et dans l'étude qu'ils avaient, ils s'intéressaient au fait que les parents fument, ou la mère fume, je ne sais plus précisément, et le fait que les enfants regardent la télévision plus ou moins longtemps. Et donc, sur cette figure qu'ils montrent, on voit de manière très manifeste que les enfants qui regardent moins les écrans font des dessins d'une apparente complexité supérieure par rapport aux enfants qui regardent beaucoup la télévision. Et donc cette étude, qui est assez confidentielle, hein, qui est dans une revue allemande très peu connue, mais quand elle a été sortie, elle a ensuite été, enfin, cette image en particulier, elle a été utilisée pour incriminer les écrans et alerter sur un potentiel danger sur les capacités graphiques des enfants, mais par extension sur leurs problèmes de développement. Outre cette instrumentalisation, l'étude en elle-même présente des faiblesses méthodologiques et son erreur principale est d'avoir conclu à un lien de cause à effet entre temps d'exposition à la télévision et capacités graphiques, alors qu'une étude observationnelle comme celle-ci ne peut mettre en évidence que des corrélations. En plus, l'image en elle-même ne concerne qu'un échantillon très réduit d'enfants. Alors, dans cette nouvelle étude, l'expérience a été reproduite et la méthodologie est assez similaire. Les enfants sont un petit peu plus jeunes et 4 fois plus nombreux. Au total, ils sont 7500 à avoir été recrutés grâce à la cohorte française ELF pour passer ce même test du bonhomme. Mais comment mesure-t-on la complexité d'un dessin? Autrement dit, comment comparer deux monsieur patates? Il y a plusieurs échelles. Ici, il s'agit de l'échelle de McCarthy qui donne des scores sur 12 points. 11 pour la présence des différentes parties du corps, bras, jambes, yeux, tête, bouche, etc. Et un 12e pour l'habillement. Si les enfants ajoutent un chapeau, ils gagnent un point supplémentaire. L'objectif de cette étude est donc identique à celui de l'article allemand, étudier le lien statistique entre temps d'écran et score de dessin, soit de manière brute, soit, et c'est la grande différence, en prenant en compte d'autres éléments de leur environnement, comme les activités hors écran et surtout les facteurs socio-économiques, c'est-à-dire le diplôme des parents, le revenu du ménage ou le statut migratoire, et c'est ce qui change totalement le résultat. Jonathan Bernard est l'investigateur principal de cette étude parue dans Scientific Reports. On a bien observé des petites différences dans la capacité à faire un dessin, donc, c'est-à-dire avoir un score de 0 ou supérieur à 0, d'une part, et ensuite sur la complexité du dessin, chez les filles seulement par contre. Mais lorsqu'on corrigeait sur les facteurs socioculturels, ces relations disparaissaient totalement et devenaient totalement négligeables. Par contre, lorsqu'on venait corriger pour les activités réalisées par l'enfant, ça ne changeait pas vraiment les résultats ou vraiment à la marge. Donc, ces résultats viennent montrer que ce sont surtout les facteurs socioculturels qui expliquent un lien apparent entre le temps d'écran et la capacité à faire un dessin. Et là, avec notre étude, on montre vraiment que ces facteurs-là, en tout cas pour ce qui est des compétences graphiques des enfants, sont des facteurs majeurs de confusion. Et donc, il faut absolument les prendre en compte de toute façon sur tous les sujets, mais aussi sur celui-là. La capacité des enfants à réaliser des dessins dépend en partie de l'influence parentale. Et l'acquisition de cette compétence se fait autour de cet âge de 3 ans et demi. Donc, certains d'entre eux n'en sont tout simplement pas encore capables. La prochaine étape de ces travaux est donc d'évaluer l'évolution de la complexité des dessins chez des enfants un petit peu plus âgés. Merci beaucoup Alexandra Delbo, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science.